Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM que j'ai intitulée « Néolibéralisme et Uber ». Liberté et propriété, tels sont les deux rapports de la pensée libérale, dont l'origine remonte au XVIIIe siècle pour ce qui est de sa philosophie élaborée. Il n'est nulle part question d'égalité des droits, sinon d'une égalité théorique et abstraite. Si donc le libéralisme convenait à l'origine à une classe bourgeoise, il n'avait rien de démocratique. Rousseau démontrait que la liberté suppose l'indépendance matérielle et que l'égalité des droits n'est qu'un vain mot sans un minimum d'égalité civile. Qu'en est-il aujourd'hui du néolibéralisme ? Néolibéralisme triomphant devenu la plupart du temps la pensée unique en ce qui concerne l'économie et les libertés démocratiques. Il est facile de constater que lorsque les intérêts économiques de quelques-uns priment sur les intérêts du plus grand nombre, on assiste à des dérives qui ne sont plus maîtrisées par les politiques et les gouvernants. La tendance des peuples est de se retourner vers des partis nationalistes, néofascistes, avec un État fort qui régule ou est censé réguler l'économie au profit du plus grand nombre. Mais les partis d'extrême droite, puisqu'il s'agit d'eux, nationalistes ou non, se sont complets pour la plupart dans un libéralisme économique, à condition que le pouvoir souverain, non pas du peuple, mais des gouvernants, ne soit pas remis en cause. Aussi, ce pouvoir néolibéral en France, comme ailleurs, restreint les droits des travailleurs et les libertés démocratiques, lorsqu'il voit ses objectifs économiques, par voie de conséquence, menacés. L'ubérisation de la société en est l'un des moyens pour développer ce système néolibéral dans lequel le laisser-faire économique produit des effets pervers. Certains ont dit, mais ce n'est pas Georges Marchais l'auteur, c'était au XVIIIe siècle aussi, que le libéralisme, la libre concurrence telle qu'elle est imaginée par nos gouvernants, c'est le renard libre, le poulailler libre. Pour exemple, l'article du journal Libération titrait de l'important problème de livraison effectuée, y compris par des ados de 13-14 ans au détriment de leur scolarité. Uber s'est imposé en France, avec un certain soutien de Macron, alors ministre de François Hollande, dans le domaine des transports, par véhicule individuel. Taxi sans licence de taxi. Les Uber étaient considérés par le groupe comme des salariés libéraux qui devaient assurer des prestations selon les besoins du groupe et des clients Uber. Mettre à sa disposition sa force de travail dans des conditions d'exploitation qui sont celles d'opérateurs taillables et convenables à merci suscitait des révoltes, forcément limitées puisque les droits de ces salariés ubérisés étaient bien inférieurs à celui des salariés ou même des artisans, puisqu'ils ne possédaient pas la maîtrise de ce qu'il convenait d'appeler la maîtrise de leur outil de travail. Nombre de ces salariés ont fait reconnaître par la juridiction prud'homale qu'ils devaient être des salariés comme les autres, avec des droits identiques. La situation de subordination à l'égard d'un employeur étant manifeste et devant se matérialiser par un contrat de travail, et non par un contrat libéral de prestation. Affaire à suivre, puisque Uber a utilisé les voies de recours face aux décisions prud'homales qui le desservaient. Mais je me permets de revenir sur les livraisons effectuées pour démontrer la nocivité d'un système modélisé sur celui d'outre-Atlantique qui a servi toujours davantage de faux salariés, vrais exploités de ce système néolibéral à l'excès. Uber Fats n'est pas la seule en cause et partage ce marché des livraisons à domicile avec Deliveroo, je crois que c'est le nom, Stuart et quelques autres de moindre importance. Elle y veut de dénoncer le scandale des ados livreurs. C'est illégal, dit-il. Mais Pourtant, de nombreux livreurs, souvent en banlieue parisienne, travaillent pour les plateformes de livraison à domicile et s'éloignent du système scolaire. La motivation de ces jeunes, de milieux populaires bien entendu, et ou défavorisés, est de gagner un peu d'argent pour aider les parents, se payer par exemple une paire de chaussures à la mode, un jeu vidéo ou le permis de conduire. Ce système pervers, avec une sous-traitance des prestations par des personnes sans scrupules, nuit aux études de ces jeunes qui finissent par décrocher et même abandonner leurs études pour se consacrer à ces activités de livraison à domicile. Certes, l'article de Libé ne va pas jusqu'à mettre en cause le système néolibéral qui consiste à développer des prestations de livraison à domicile au détriment de la réglementation en vigueur en exploitant indirectement de la main-d'œuvre juvénile. Sans statut social, sans couverture en cas d'accident du travail, et bien sûr, surexploité. Certains responsables politiques, ou même des enseignants, voient, certes d'un mauvais œil ce système, mais ne parlent pas de régulation qui empêcherait les excès et pourrait ménager des plages horaires suffisantes pour les études et les examens. Et de citer l'exemple du Québec, où 55% des 15-16 ans ont un travail au détriment de leur scolarité, puisque les semaines peuvent aller jusqu'à 60 heures, études et travail cumulés. Est-ce un exemple à suivre, même s'il y a responsabilisation des entreprises? Certes non. Un pays soucieux de sa jeunesse et de l'égalité d'accès aux études ne peut ne doit pas adopter une telle attitude et doit, en revanche, permettre aux jeunes de poursuivre des études en leur assurant une indépendance financière et en aidant au besoin les parents qui ont des difficultés financières. C'est une question d'avenir pour notre pays. Mais me direz-vous, il s'agit de la région parisienne, du malaise des banlieues. C'est scandaleux. Qui pouvons-nous ? Mais cela ne risque-t-il pas de devenir contagieux pour la province où les services publics périclitent et risquent d'être remplacés par des expédients plus ou moins magouilleux? Posez-vous la question des conditions de travail et de salaire dans certaines entreprises de messagerie qui vous livrent des paquets à domicile ou dans certains dépôts. Dans quelles conditions de sous-traitance, voire de sous-traitance de la sous-traitance, sont acheminés vos colis? Méditez au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, et n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur notre site, ARGM, nous aimons le débat. Bonne journée à tous.